premier extrait du street CD. Zizani présente chef de chantier. En théorie, seuls les morts viennent hanter nos vies. Mais le manque d'argent fait que chaque chef de chantier prend des gros risques. Grand terroriste, chante le mène comme le gang des postiches. Planquez vos miss, tout ce qu'on veut c'est tremper nos billes. On a tellement souffert qu'il nous faudra même venger nos fils comme nos ancêtres. Rien ne peut nous faire changer d'optique. Qu'attend la faille, mes gorilles survivants, Dylan des Loki. Moi j'ai le rap, j'étais à 6 étoiles, même le sergent s'est glossy. Face aux parents, face aux plans démolis. Aux injustices, à ceux qui fusionnent, boissons, chanvre et vomis. Sont besoin du crime, justifié mais injustifiable. Enfin les gens mémorisent leur erreur pour ne pas les reproduire. M chante et Mobdi, ça les booste comme Sammy. La photo Christophe Colomb et nos pins d'ogre trop longs. Si personne nous pistonne trop long, c'est dur d'imposer ma vie, mon hip hop osant. Que repose en paix mon oncle et tous les ivrognes au monde. Personne sait les moments que l'autre traverse. Mon rap c'est un parapluie contre certaines averses. Les babouches trempées, je ne cesse de parlementer. Je suis comme une équipe de D2, je ne joue que pour la montée. Fanatique du ghetto, je suis artiste à temps partiel. Je suis toujours premier comme Ndaoud et Tonton Marcel. Je veux faire ce gros truc un peu comme la canne au Ghana. Zizani, faire campagne dans le rap, appelle-moi Barack Obama. Rap de fou mec, nous on parle de tout. T'as vu, on va te casser tes lunettes, af le loup. Si, si. Rien à foutre si t'en as marre de nous. Tu finiras dans une flaque de boue au Tartezou. On veut que les frères et sœurs cessent de mendier. Ténébreuse clique fait peur sur chef de chantier. Chef de chantier. On te pète le dentier avec de grands pieds. Ta mère peut en chier, tu gagnes si tu restes entier. Salope. Rêve de janvier à décembre faut que vous ressentiez la légende et que vous suciez mon sexe en biais. Sucé. Tu pourrais presque m'envier, mais j'ai rien de plus que toi pour te faire jouir. Je mets juste le doigt, voilà. Je veux baiser la présentatrice de Vie Ma Vie. Mettre du GHB dans sa bouteille de cristalline. On est venu soutenir le projet de Zizani. Y'a des mafias et de la rabbin comme en Italie. Zizani, en chef de chantier, reconstruise Clem Cisalise. Froid comme des icebergs, le rap c'est le Titanic. La tête plongeante de Zizou pour pays fasciste. Les USA, le Texas, la Pennsylvanie. Elles sont difficiles à changer, mes petites manies. J'ai frite la vie, la vie mes tripes, j'ai trip la vie. Zéco et la ténébreuse équipe arrive. On a l'esprit d'entreprise et l'esprit de la vie. C'est parce qu'on se devait de le faire. Et dit le mouvement de ta tête, je vois qu'on insulte sa satisfaire. Ça vient des caves, célébrer le sang. Célébrer le sang. On part pas de poids d'une barrette et d'une salle. C'est un mot lourd qu'on ne pèse pas sur la balance. C'est des tonnes de rire et de flow qu'on balance. Mais c'est 94 000 kilogés. Y'a pas d'issue, trop pas d'endroit où te loger. Sortez les pelles et les pioches, creusez vos tombes. D'autres tombes, on sort et on pose nos poings. C'est nous les chefs de chantier. Sortez les dentiers, y'a danger. Tout l'univers est ici à danger. J'ai pas du 24 carats dans la bouche. Pratique arabe Kaira, j'suis haineux farouche. Comme mon pote au Farouk, j'défile Arnoucha. Maison, la visière infrarouge comme un Fanoucha. J'fais ses dents même les gros porcs comme Dominique Farouja. Et les bouseux comme Kamini. Grosse secousse, que les gens se poussent. Mais où sont les housses? En ça j'vais sabrer le mousse. J'ai sorti le bleu travail. Le chantier de taille, Heimdek. Y'a pas la taille, que des pecs sont en freestyle. Lève le poing, si t'apprécies. Si je te mets bien, pose la bouteille, le joint. J'déchire et ton agent, et cousin, cousin. Je suis à la tête d'un engin. Gros fan nique pour je nique sur un penchien. Avant de finir sur le chantier du frangin. Coup de pelle universel pour le frelot du 9-1. Ouais, chef de chantier, katana, capote, si, si. Unité de feu, Eagle et Jiggle, Léo Clash, Kevin Ramos, oui. Zizani, chef de chantier. Bande de putain. De putain.